frère, comment tu peux être aussi intolérant? Comment tu fabriques tes boucs émissaires? C'est étonnant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu rases les pâquerettes. Dîner avec le diable la semaine dernière, avec ma longue fourchette, il m'a parlé de toi. Il aime ton potentiel et tu gardes une place. Pour ne pas voir le tableau de sang.